couilles, pas de glace. D'abord on charbonne, après on fait le tour du glace. Comme Griffith et le château bal, les couilles des amis. Genre d'un coup j'prends 25 ans sous la mezzanine. J'rêve d'un monde où c'est rien d'avoir de la mélanine. Micro 2008, je veux jam sur les canines. On va bientôt canner, j'm'en fous de mon ami. J'pensais être heureux mais bon j'étais trop naïf. J'suis dans la trappe, j'ai les yeux rouges, j'suis trop die. J'arrivais pour 13 heures, j'fais partir les bails. Fils de pute, j'sais que tu ressens mon haine. J'sais que la bite j'voudrais nuire à mon être. J'sais que t'es pas celui que tu prétends être. H, Higo, faut que tu tâches. J'ai vu ta mort sous un H. J'fais pas de rêve, j'm'endors sous drage. J'force pas, j'finis sous ces draps. Chérie, bah t'es fou, je sais pas. Mal et bien, j'pète à personne qui sait pas. Tu crois qu'elle est bien, elle fait des grands écarts. T'es pas mon gars, t'es calme. Comme le bar, ça me fait péter des cannes. J'fais les baisers, rails, ça met tes gants. J'suis pas Walla, Mia Wallace. J'm'arrête pas, j'suis pas dans le palace. J'ai la haine, j'ai coupé, j'force the world. Ta vie est pétée, j'peux t'envoyer la carte. J'suis pas Walla, Mia Wallace. J'm'arrête pas, j'suis pas dans le palace. J'ai la haine, j'ai coupé, j'force the world. Ta vie est pétée, j'peux t'envoyer la carte. J'peux niquer le rap, j'suis sans demander son accord. J'suis tard de la prophétie, gros, j'reviens du nord. Fuck un standard. Chasseur de rêves sur l'étendard. J'fais que broyer du noir, j'me souviens, j'suis du nord. J'ai roulé un drive, si vous voulez calmer mes nerfs. Même si j'suis à Londres, j'crois que j'suis un mec en or. Et toi t'es débile, Higo, t'en as tout l'air. C'est comme un compète, c'est maintenant compris. C'est pas une compète, j'crois que t'as pas compris. Mon guide, chérie, pas être dragon. J'pensais déjà au succès dans le wagon. Tous ces rappeurs, j'suis venu enculé. Tu ramasses, je fais tomber le savon. Tu ramasses, je fais tomber le savon. J'suis pas Walla, Mia Wallace. M'arrête pas, j'suis pas dans le palace. J'ai la haine, j'ai coupé, j'force the world. Ta vie est pétée, j'peux t'envoyer la carte. J'suis pas Walla, Mia Wallace. J'm'arrête pas, j'suis pas dans le palace. J'ai la haine, j'ai coupé, j'force the world. Ta vie est pétée, j'peux t'envoyer la carte. J'tourne en rond comme si j'étais bloqué. On s'est aimé, on s'est bloqué. J'ai traîné dans la rue. J'avais deux couilles, pas de bloc. J'lavais, j'ai ma capuche. Traumatisé par les blocs. D'abord, mon charbon.